Pendant toute la durée de ce Vendée Globe, Cap VG20 ouvre les portes de son club. Avec ce podcast, Cap VG20 vous embarque autour du monde tous les dimanches en compagnie de deux invités pour débriefer la semaine qui vient de se passer, pour se projeter sur celle qui vient, sans oublier les meilleurs extraits du bord, le point sur le classement. Et dans cet épisode du Club VG20, vous entendrez ça. Voilà, on peut s'attendre à pas mal de changements encore dans le classement dans les jours qui viennent. C'est un gros regroupement, effectivement, et donc j'ai peur pour Yannick, mais j'espère quand même qu'il arrivera à garder l'avantage. On est à 3 semaines de l'arrivée à peine, et il y a un suspense qui est assez étonnant. Si finalement, tout le charme de ce Vendée Globe, ça revient toujours par derrière, alors c'est plutôt bien parce que ça laisse un peu de suspense jusqu'au bout. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e épisode du Club VG20, votre rendez-vous du dimanche après-midi, à écouter aussi bien sûr le dimanche soir ou le lundi matin si vous préférez commencer la semaine avec le club plutôt que la terminer. C'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et vous le savez, toutes les semaines j'accueille deux invités, un navigateur d'abord, et cette semaine on a la chance d'avoir un ancien participant du Vendée Globe, 3 participations en 2008, 2012 et 2016, c'est Quito de Pavant. Bonjour Quito. Et bonsoir. Et bienvenue au club. Ton focus ce sera notamment sur les petits budgets de cette flotte. Oui, c'est ça, parce qu'on voit que sur ce Vendée Globe, c'est pas à chaque fois pareil, hein, c'est plutôt l'inverse qui se passe en général. Il y a quatre ans, typiquement, c'était les plus gros budgets qui ont fait 1 et 2. Et cette année, ceux qui tirent les marrons du feu, ce sont plutôt des marins qu'on n'attendait pas là et qui sont partis avec des budgets plus que raisonnables. Et on détaillera tout ça parce que ce sont aussi les membres du club qui choisissent les thèmes de chaque épisode. Et pour accompagner Quito aujourd'hui, un suiveur assidu, pas un journaliste pour une fois, c'est un passionné de voile qui travaille dans le développement web et qui a fait pas mal parler de lui sur ce Vendée Globe grâce à des outils qu'il a fabriqués et mis à disposition du suivi de la course. On va détailler tout ça. C'est Kevin Saliou. Salut Kevin. Bonsoir. Et bienvenue au club également. Ton fait marquant de la semaine, ce sera quoi et ce sera qui notamment ? Moi, c'est le fait marquant, c'est global, c'est sur depuis le début de la course et chaque édition, ça se vérifie, mais c'est la résilience des marins. Et là, moi, le focus, ce serait plus sur Louis Burton, là, qui après avoir abandonné quasiment, il me semble au moins 2 fois, il est à nouveau dans la course, il est cinquième et il continue de remonter. C'est vraiment impressionnant. Le Phoenix Louis Burton. Et donc Kevin, je le disais, passionné de course au large et de Vendée Globe, tu suis ça de très près j'imagine. Tu as donc dès 2012 lancé Regadata qui compile plein de données et de statistiques sur le Vendée Globe. Et surtout cette année, tu as développé un outil, je le disais, qui fait beaucoup parler de lui pour calquer tout ça sur, et notamment la position des bateaux sur le site de météo Windy. On en a déjà parlé dans le podcast et on l'utilise souvent sur Twitter. Parce qu'il permet aussi d'accéder à des routages grâce à un partenariat avec Christian Dumas, le monsieur météo du Vendée Globe. Donc j'imagine que tout ça, c'est pas ton travail, hein, tout ça, mais ça occupe, j'imagine, une bonne partie de ton temps libre. Ouais, non, clairement, là, j'ai l'entièreté du Vendée Globe, ça va être une période un peu fatigante pour moi, mais dans le sens positif du terme, parce que j'ai mon boulot, et puis le soir et le week-end, je le dédie, entre autres, à part la famille, à mettre en ligne et améliorer le site Regadata et puis surtout le plugin Windy qui effectivement rencontre un plutôt joli succès, donc c'est sympa. Et ça tombe bien qu'on n'ait pas le droit de sortir du coup. Il y a plus voilà. De temps libre que prévu. Quito, toi aussi, tu suis de... je suis pas sûr non plus que ça soit une bonne nouvelle, mais au moins par chance, on a le Vendée Globe pour nous occuper. Toi aussi, Quito, tu suis ça de très très près. Oui, alors je suis ça de près. Alors j'essaie de pas passer trop de temps dessus, mais c'est difficile de s'empêcher d'ouvrir l'ordinateur pour aller voir justement les classements, d'autant plus que voilà, en tête de course, il y a Yannick avec qui j'ai fait il n'y a pas très très longtemps une belle transat Jacques Vabre, et donc je suis assez content et assez fier de ce qu'il est en train de réaliser. Je le disais, 3 participations au Vendée Globe, malheureusement soldées par 3 abandons, mais à ton palmarès, il y a surtout une victoire sur la solitaire du Figaro en 2002, sur le Tour de France à la voile en 2003, et tu parlais de la Transat Jacques Vabre, je crois que tu vas en être cette année à ta 11e participation en classe 40, c'est un des gros objectifs de ta saison à venir là. Ah oui, complètement. En fait, on travaillait sur un autre projet qui était le Globe 40, on espérait faire le Tour du Monde, mais en s'arrêtant un peu, parce que c'est... Le Vendée Globe, c'est bien, mais c'est quand même un peu idiot de faire le tour de la planète sans s'arrêter dans les endroits un peu sympas. Et le Globe 40 proposait ça, justement. Et malheureusement, la crise sanitaire, la pandémie nous a contraints, voilà, de reporter la course. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de teams qui avaient un peu des difficultés à trouver des budgets pour 2021. Donc c'est reporté pour 2022, du moins on l'espère. Donc cette année, ce sera effectivement une 11e Transat Jacques Vabre. Voilà, on ne sait pas encore où elle va arriver, même si on a quelques infos. Voilà, il y a un peu de changement apparemment, mais bon, on attend la version officielle quand même. Ah, je peux t'annoncer que ça sera le 12 Et février, l'annonce officielle de la ville arrivée. ah ben très bien. Je pense qu'aujourd'hui, a priori, on sait à peu près où on va aller. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir un objectif fort pour cette année. Et puis le bateau va rester en Méditerranée pour faire toutes les grandes classiques méditerranéennes. Jusqu'au mois de septembre, où on convoiera le bateau jusqu'en Normandie. Alors messieurs, on va commencer par s'intéresser au classement et notamment à l'avant de la course parce qu'on est à 3 semaines de l'arrivée à peine et il y a un suspense qui est assez étonnant. Alors à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est-à-dire à partir du classement de samedi 18h comme d'habitude, on a Yannick Bestaven qui est toujours en tête sur Maître Coq avec 230 000 d'avance en gros sur le duo Charlie Dalin, en tout cas 230 000 d'avance sur Charlie Dalin et un petit peu plus sur Thomas Ruyant. Mais au moment où vous allez nous écouter, cet écart aura probablement diminué parce qu'on s'attend à un rapproché, même peut-être d'ici quelques jours un regroupement général. On va pas se projeter pour le moment sur ce qui va se passer, on fera ça à la fin du podcast. On va plutôt revenir sur ce qui s'est passé cette semaine. Et donc, Quito, on a vu que Yannick Bestaven avait d'abord, dans un premier temps, réussi à s'installer sur un confortable matelas d'avance. L'écart est monté jusqu'à 439 000 jeudi après-midi et c'était... Une petite stat, une petite data qui va plaire à Kevin, le plus gros écart entre un leader et son dauphin depuis le début de la course. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart, hein, depuis le départ sur le Vendée Globe. Il y a eu beaucoup de leaders différents. Et c'est vrai qu'après le Vendée Globe, cet écart s'est beaucoup réduit, puisque je crois que c'est descendu à 60 000, 70 000, juste le lendemain du passage Cap du Horn Cap Horn, ouais. Pour Yannick. Et c'est vrai qu'il a réussi à passer juste devant un gros anticyclone qui a bloqué notamment Charlie Dalin. Par contre, l'écart entre Yannick et finalement Thomas ou Damien n'a pas trop bougé. C'est finalement plus Charlie qui a beaucoup perdu, voilà, pendant la semaine plutôt que Yannick qui a beaucoup gagné. Et on s'est dit là au milieu de cette semaine que ça y est, il y avait un break de fait, que Yannick avait pris un peu d'avance. Finalement non, déjà parce que l'option ouest, là, à l'ouest de l'anticyclone argentin prise par le duo d'Alain Ruyant, on ne savait pas trop ce qu'elle allait donner, finalement c'était pas si mal. Et ces deux-là, ils continuent à naviguer complètement collés serrés là depuis mercredi soir et ça devrait continuer comme ça encore quelques temps. Et puis encore une fois, l'autre facteur c'est que devant, le leader Yannick Bestaven, il vient buter sur des conditions un peu moins favorables. D'ailleurs Yannick s'en étonnait lui-même même dans une vidéo hier, et encore une fois, Quito, ça va revenir par derrière. Et oui, c'est finalement tout le charme de ce Vendée Globe, ça revient toujours par derrière. Alors c'est plutôt bien parce que ça laisse un peu de suspense, voilà, jusqu'au bout, et finalement à tous les étages, hein, parce que je pense que la bagarre va être intense jusqu'à l'arrivée. Mais c'est vrai que cette semaine, ça fait le yo-yo, hein, depuis le début, ça fait le yo-yo entre les premiers. On va voir comment ça se passe. Alors, c'est vrai que les 2 jours qui viennent vont être vraiment importants, hein, pour la suite. C'est normal que le leader bute le premier dans la zone de transition. En plus, les conditions derrière sont un peu musclées, donc ça va vite, hein. On a vu Charlie à 24 nœuds au dernier pointage, quoi. Ils sont sur leur bon bord puisque le foil sur lequel ils s'appuient aujourd'hui est encore en état. Mais voilà, et après ça va peut-être un peu changer. Donc il reste beaucoup de suspense et il y a encore beaucoup de milles à faire, hein. Ils ont encore, on va dire, entre 5 000 et 6 000 milles à faire pour les 10 premiers. Et les bateaux, les marins sont fatigués. Je pense qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Voilà, on peut s'attendre à pas mal de changements encore dans le classement dans les jours qui viennent. Et tu disais lutte jusqu'au bout. Jacques Carès, le directeur de course, ce vendredi, disait que ça se jouerait peut-être dans les deux derniers jours. Et d'ailleurs, on s'attend à ce que les arrivées au sable aient lieu. Pour l'instant, les premières dates qu'on nous donne, c'est 29, 30, 31 janvier, avec donc cette bataille jusqu'au bout. Je voudrais aussi rappeler, c'est important, que Yannick Bestaven devra aussi être crédité de 10h15 à l'arrivée. Faut pas l'oublier. 10h15 à une moyenne depuis le début de 15 nœuds. On peut considérer que ça fait un bonus tout à fait virtuel, évidemment, de 150 000, là, si on veut se projeter ça sur le pointage actuel. En tout cas, faut pas l'oublier là dans l'analyse de ce sprint final, il y aura cette bonification. Kevin, ton point de vue là sur cette lutte à 3 qui devrait encore se resserrer? A priori, de ce que je vois moi, bon, c'est j'ai pas comme Quito sans doute avec Adrena par exemple autant de paramètres sous la main, mais donc il y a un gros regroupement effectivement, et donc bah, j'ai peur pour Yannick, mais j'espère quand même qu'il arrivera à garder l'avantage et puis à retoucher le vent après l'anticyclone le premier, enfin retoucher les alizés le premier, et puis garder un petit matelas, ce serait vraiment super, quoi. J'aimerais bien qu'il arrive à aller au bout. Ouais, moi j'ai un petit routage, je me suis fait un petit routage ce matin, là, jusqu'à... les fichiers disponibles, voilà, ça font à peu près une quinzaine de jours, 16 exactement. Et donc, a priori, ça fait une arrivée un peu plus tôt que ce que tu disais, Alexis. Je pense qu'on arriverait plutôt le 29, quoi. A priori, maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes et puis on ne sait pas exactement dans quel état de performance sont tous les bateaux, donc c'est difficile de faire des routages. Et puis on a toujours progressivement pris un petit peu de retard à chaque fois tout au long de ce Vendée Globe. Les dates que je vous ai données tout à l'heure, c'est celles qui ont été communiquées par la production télé de l'organisation du Vendée Globe, 29, 30, 31, et le directeur de course Jacques Carès parlait plutôt de 29, 30, effectivement. Un dernier mot aussi concernant Charlie Dalin. Vous avez peut-être vu cette semaine qu'un avion de la Royal Air Force britannique a survolé Apivia, c'était je crois vers les îles Malouine ou l'île des États. Évidemment, ils ont pris des photos, hein, comme à chaque fois que quelqu'un survole un bateau du Vendée Globe. Et donc, on a c'est pu voir. C'est toujours intéressant, les photos. Oui, on les attend toujours avec impatience. On a pu voir les petites réparations de Charlie sur son foil bâbord, qu'il n'avait pas voulu nous montrer jusque-là, mais là, évidemment, il n'a pas pu les cacher. Vous avez vu cette photo passer, j'imagine, avec des bouts qui semblent tenir ou soutenir le foil. Quito, tu les as vus? Oui, bien sûr. Oui. Bah, y a des petits malins qui regardent de près. Voilà, les zooms marchent bien. Et c'est vrai qu'on voit que voilà, les soucis, il doit avoir des soucis quand même importants. De toute façon, il ne s'en est pas caché jusque-là. Hein. Dès que le bateau était en tribord à mur, on voyait bien que ça n'allait pas vite et qu'il cherchait vraiment à aller chercher des conditions où il n'y avait pas de mer, où il y avait des conditions beaucoup plus souples. Donc je pense qu'avec son équipe, ils ont dû effectivement bien réfléchir comment faire pour rafistoler tout ça et surtout pour sécuriser. C'est sûr que ça ne devrait pas aller vite et ça a une certaine importance d'ailleurs pour la suite du parcours qui va se faire à, on va dire, 80-90% en tribord à mur. Donc je pense que ça, c'est une petite chance pour Yannick et pour les autres derrière d'ailleurs, parce qu'ils ne vont pas s'envoler, ils n'ont pas la même capacité. Et je crois que Thomas a la même difficulté, c'est-à-dire qu'il a... Il a coupé son foil, il manque une bonne partie de la puissance du foil côté bâbord. Et du coup, ils vont être tous les deux très pénalisés, voilà, pendant toute la fin du parcours. Ah là, c'est sûr qu'entre les deux, il n'y aura pas d'avantage. Ils ont des bateaux de même génération avec un niveau de performance globalement équivalent. Ils ont tous les deux le même handicap du même côté sur les deux appendices. Donc, entre tous les deux, en tout cas entre Dalin et Royan, ce sera équitable jusqu'au bout. Un mot aussi sur Damien Seguin. On a beaucoup parlé du trio de tête jusque-là, mais derrière, il y en a un qui est toujours là en embuscade au cas où. C'est Damien Seguin sur Groupe Apicil. Kevin, il a même réussi provisoirement pendant quelques heures à passer deuxième. C'était entre mercredi et jeudi. Ouais, et puis il l'a même filmé, il l'a fêté ça sur une vidéo, parce que lui, je pense qu'il était aussi surpris. Et bah, moi, je trouve ça, enfin, il est bluffant hein, depuis le départ. Premier à dérive, et ouais, clairement, d'arriver à cet endroit-là en étant deuxième, c'est. Bon, même, encore une fois, c'était anecdotique, puisque ça a duré que quelques heures, comme il l'avait annoncé. Mais j'ai trouvé ça génial, donc... Ouais, même quatrième, c'est très très honorable, ah bah, étant donné ouais. le bateau qu'il a, étant donné que c'est son premier Vendée Globe, étant donné, on l'oublie, et c'est tant mieux que c'est quand même un skipper et un marin qui est né avec une main en moins. C'est quand même, il faut quand même aussi le remettre en tête. Quito, très impressionné aussi par la performance de Damien Seguin. Oui, bien sûr. D'abord la performance de Damien, qui est, comme tu dis, qui est né avec une main en moins. Et c'est vrai que sur ces bateaux IMOCA, on aimerait bien avoir plutôt 10 mains qu'une seule. Voilà. Et surtout avec ce bateau, moi je me souviens de ce bateau qui s'appelait à l'époque DCNS. Franchement, personne, c'était un peu la risée de la flotte IMOCA en 2007 ou 2008. Voilà, c'était vraiment un bateau qui était particulièrement lent. Ça s'est amélioré, voilà, avec Christopher. Du coup, on l'a envoyé faire du cinéma. Exactement. Donc, quand le bateau est, quand le DCNS s'est arrêté, ils ont essayé de le vendre, mais personne n'en voulait de ce pauvre bateau. Et c'est vrai qu'il a fini pour faire du cinéma. Et c'est vrai que Damien a pu récupérer ce bateau. Bon, il a fait avec Eric Bellion le dernier Vendée Globe. Pas très rapidement d'ailleurs. Et Damien a récupéré ce bateau pour pas très cher, hein. pas si bon marché que ça quand même. Et ils ont bien travaillé pour en faire un bateau à la fois fiable et rapide et très simple. Très très simple, ce qui pour moi est un énorme avantage. Et on a la démonstration sur ce Vendée Globe 2020 que la simplicité a quand même beaucoup de vertus pour faire une course en solitaire. Et a priori avec une seule main. On y reviendra tout à l'heure sur cet argument-là de la simplicité. Je suis en train de regarder en même temps combien de temps avait mis Eric Bellion pour atteindre le Cap Horn. C'est le dernier point de comparaison qu'on pourrait avoir. Il avait mis 66 jours en 2016 et Damien Seguin en a mis 56. Donc 10 jours de mieux avec le même bateau 4 ans après, avec des conditions qui sont pas forcément beaucoup plus... Ouais, pas beaucoup plus favorable, on le rappelle, bateau de Damien Seguin préparé chez Jean Lecam. Et pour être tout à fait complet sur ce qui s'est passé cette semaine à l'avant de la flotte, puisqu'on parlait du Cap Horn le week-end dernier au moment de l'enregistrement du précédent épisode, il n'y avait que Yannick Bestaven qui avait passé le Cap Horn, ça s'est tout enchaîné ensuite. Ils sont 14 à être passés entre le samedi 2 janvier et le jeudi 7 janvier, tir groupé. Et donc on l'a déjà dit, le leader Bestaven est passé avec 8 jours de retard par rapport à 2016, mais le 14e est passé avec 12 jours d'avance sur le 14e d'il y a 4 ans. Flotte hyper dense donc, et les prochains sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi et lundi dans la journée. Comme chaque semaine, je vous ai préparé aussi la compilation des meilleurs extraits du bord. Vous allez entendre qu'il a neigé sur le Vendée Globe cette semaine, et oui, parce que s'il fait 25 degrés au latitude de la tête de la flotte, ben dans le sud évidemment il fait toujours aussi froid. Vous allez entendre l'italien Giancarlo Pedotti et le Suisse Alan Roura à ce sujet. Il y aura aussi Alexia Barrier qui s'est prise pour une youtubeuse cette semaine et qui a fait un petit tuto douche à bord d'un IMOCA. Je vous en ai mis un petit extrait. Et puis c'était aussi la semaine Johnny sur le Vendée Globe. Jean Lecam et Yannick Bestaven s'y sont mis tous les deux avec une réussite relative. Vous allez l'entendre. Voilà, il neige à bord de la fabrique. Il neige bien même. C'est la première fois que j'ai ça en mer. C'est quand même assez hallucinant. J'ai l'impression d'être dans la neige là. Quand je respire, ça semble d'être au ski. Vous avez les ustensiles de douche qui sont prêts et ma petite douchette où j'ai fait chauffer l'eau douce que j'ai produite. Donc c'est du grand luxe. Aujourd'hui, c'est jour de douche avec 3 litres d'eau. Tout d'un coup, ce matin, je me suis dit qu'on me donne le mal pour que j'aime le bien. On me donne l'obscurité pour que j'aime le jour. On me donne la nuit pour que j'aime le jour. On me donne la haine pour que j'aime l'amour. On me donne la haine pour que j'aime l'amour. Et ça a été tout de suite en me réveillant ce matin, je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment se faire mal pour apprécier le bien ? Aime-moi ! Aime-moi fort ! C'est le bêtisier du Vendée Globe ou quoi? on va peut-être pas les envoyer tout de suite à N'oubliez pas les paroles, tes deux copains, Akito, on va plutôt les laisser sur le plan d'eau. On se souvient quand même de cette séquence culte du Vendée Globe au retour de Jean Le Cam en 2013, qui avait fait le show sur du Johnny justement au sable. Et puis je l'ai pas mis parmi ces extraits parce que depuis le début de la course, c'est plutôt l'occasion d'entendre les moments les plus drôles et les plus insolites. Mais la vidéo probablement la plus forte de la semaine, c'est aussi celle qu'a envoyée Clarisse Kremer vendredi après-midi. Vous la retrouverez en intégralité sur le compte Twitter CapVG20, ça dure un peu plus de 2 minutes, c'est très touchant. Clarisse a les larmes aux yeux et elle explique que, sans qu'il y ait véritablement de raison d'ailleurs, ça fait 2 jours qu'elle a pas du tout le moral et qu'elle trouve pas du tout le moyen d'évacuer ce spleen. Alors on imagine que c'est pas du tout la seule à avoir un coup de moins bien après 63 jours en mer. En revanche, c'est la seule à le montrer comme ça, sans filtre. Vous avez vu passer cette vidéo, Kevin, tu l'as vu ? Ouais, carrément, ouais. Bah, là, ça, ouais, c'est, je pense que c'est Clarisse le fait... Elle l'avait annoncé même dès le départ, hein, qu'elle est à l'aise devant la caméra, je pense, et puis elle voulait montrer les moments de bons et les moments de moins bons, et bah, là, elle l'a fait même 2 fois, parce que juste avant le horn, bah, c'était pas vraiment le spleen, là, c'était plus les pétoches. Les grosses conditions. Elle avait les grosses conditions, et c'était en plus, pour une fois, souvent, les caméras aplanissent vachement les mers, donc on se rend pas très bien compte de la taille de la houle, etc. Et là, en l'occurrence, sur son arrivée au Horn, on voyait vraiment que c'était très fort. Et puis donc, ouais, hier, le petit coup de Calgon, c'était touchant. Ouais. C'est aussi ça, le Vendée Globe, c'est ce qu'elle a expliqué. Et puis, autre témoignage fort que je voulais vous partager, une carte postale signée Stéphane Le Diraison, qui nous parle d'un énorme grain qu'il a pris vendredi également. Je le cite, « C'est une image qui me marquera tout le restant de ma vie. Le bateau couché, toutes les voiles choquées, il y avait 60 nœuds de vent, des vagues déferlantes de 8 mètres, il faisait très froid, il neigeait. Ce sentiment d'impuissance face aux éléments déchaînés, c'est une expérience forte, impressionnante, exigeante. Je suis content d'avoir vécu et surmonté ça au niveau nerveux. » Fin de citation. Des conditions qui semblent dantesques. Kito, il y a des séquences de navigation comme ça qui t'ont aussi marqué à vie ? Oh oui, alors les moments où c'est un peu rude, on essaie de les oublier un peu parce que si on s'y accroche trop, ben on repart jamais, quoi. Donc à chaud, c'est toujours important de pouvoir en parler, mais c'est vrai que c'est des moments qu'on oublie assez rapidement. Hein. Messieurs, on va maintenant aborder les thèmes que vous avez choisis cette semaine. On va commencer par celui de Kevin, qui a voulu nous parler, donc on le disait tout à l'heure, de Louis Burton, le phénix, pourquoi pas, le skipper de Bureau Vallée, 11e il y a encore 10 jours, et revenu à fond dans la partie, solide 5e aujourd'hui, même si avec sa bonification, peut-être que Jean Le Cam passerait devant lui. Kevin, c'est cette résilience-là qui t'impressionne. Ouais, la résilience, bah, il y en a plusieurs, hein. Piper par exemple aussi, enfin, ils sont plusieurs, mais là, Louis, bah, c'est parce que la remontée, elle est impressionnante, et puis si on en croit les routages, bah, il devrait même apparemment se rapprocher beaucoup de la tête de la flotte dans les jours à venir, donc vraiment, pour moi, je trouve que c'est assez bluffant, et puis j'étais aussi impressionné par les images... Les images de sa montée en tête de mât pour réparer son rail de grand voile derrière l'île Macaire, là, c'était... Donc il fait quand même un petit détour, il fait une belle pause pour faire tout ce petit chantier, et il repart de plus belle, et avec une trajectoire plutôt tendue, et puis il arrive à remonter tout le monde, c'est quand même... Quand même balèze, donc chapeau. Faut pas oublier que Louis Burton, il était vraiment aux avant-postes jusqu'à ce qu'il lui arrive ses petites bricoles là avant Noël, qu'il a perdu 16 heures dans ses réparations à l'est de l'île Macquarie, qu'il a eu en plus 6 heures de pénalité, mais que quand tout va bien, le bateau, il est quand même hyper performant, et tu le disais là, les routages, s'ils indiquent une remontée vers l'avant de Louis Burton, c'est aussi parce que en termes de performance pure, quand le bateau va bien, il risque de faire une fin de Vendée Globe canon. Pour tout vous dire, j'ai voulu essayer de vous passer un petit bout de son là de Louis Burton pour qu'on l'entende de vive voix dans cet épisode. J'ai cherché, je me suis rendu compte qu'il n'avait envoyé qu'une vidéo cette semaine de 36 secondes dans laquelle il ouvre avec du retard sa bouteille de champagne, du Nouvel An et du Cap Horn, rien d'autre. J'ai été assez surpris parce qu'il faut savoir que les skippers ont une obligation d'envoyer des vidéos minimum 3 fois 2 minutes par semaine, sinon il y a des amendes qui vont de 200 à 1000 euros, on ne sait pas forcément. Je me suis renseigné du coup pour savoir si c'était pas lié à un problème d'énergie à bord, visiblement non. Donc tant pis, on n'entendra pas Louis cette semaine, on va en parler quand même. Kito, au-delà de ça, la course de Louis Burton, là, ce retour dans le match, après avoir eu pas mal de pépins il y a 2-3 semaines maintenant. Ouais, bah c'est vrai que depuis le début, il fait une belle course, et je me souviens de l'avoir vu partir un peu trop vite, là, au Sable d'Olonne. Il avait réussi à voler le départ, de réparer sa pénalité qui était quand même lourde. 5 heures, c'était beaucoup. Il en a une autre aussi, je sais plus pourquoi, parce qu'il avait, je sais plus pourquoi. Il avait oublié d'envoyer la photo de son plomb, de moteur après le départ. Oui, il avait cassé le plomb, un truc comme ça. Enfin bon, il a fait. Il a fait une petite incursion aussi dans la ZEA il y a une dizaine de jours, un matin. Voilà. Donc il a fait quelques petites bêtises, mais on voit qu'il a une trajectoire effectivement très tendue, très engagée aussi, la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas froid aux yeux, il va droit au but et fait finalement une route très efficace, et malgré ses problèmes qui sont quand même lourds, parce qu'il a quand même passé pas mal de temps avec un ou deux rides à la grand voile, parce qu'il ne pouvait pas envoyer sa grand voile complète, il a des gros problèmes de pilote automatique qui sont quand même des avaries qui sont très lourdes de conséquences en solitaire, et on le retrouve là cinquième, et c'est vrai qu'avec un bateau qui apparemment encore finalement tout son potentiel, hormis ses problèmes de pilote qui peuvent revenir, mais je pense qu'avec des températures plus élevées, il y aura peut-être moins de soucis. Attention à Louis, parce qu'il pourrait bien créer la surprise finalement de cette fin de Vendée Globe, parce que c'est effectivement, s'il arrive à se rapprocher finalement de la tête de course, je pense que Charlie et Thomas peuvent se faire du souci. Puis d'ailleurs en pleine confiance, quoi, ça va lui remonter le moral, j'imagine. Bah, ça doit déjà être le cas, hein, de remonter aussi rapidement comme ça la flotte. Il va avoir, ouais, je pense qu'il est en pleine confiance, quoi. En lui-même et en son. Oui, c'est clair que là il sent qu'il a la baraka, parce qu'il était effectivement à deux doigts d'abandonner, et franchement il y avait des bonnes raisons pour le faire. Je pense qu'il y en a plus d'un qui aurait jeté l'éponge bien avant toutes ces péripéties. Et clairement, là, il doit être remonté comme une pendule. Je pense que Damien aura du mal à résister quand même aux performances de son bateau. Et comme je le disais précédemment, je pense que les deux qui sont deuxième et troisième ont sans doute du souci à se faire pour la remontée qui va se faire sur le mauvais bord pour eux. Donc c'est possible que Louis fasse une fin de parcours encore plus étonnante que... Avec ce bateau qui pourrait se rappeler au bon souvenir de la mi-janvier 2017, il y a 4 ans, quand il a gagné le Vendée Globe sous les couleurs de Banque Populaire avec Armel Lecléache à l'époque. Quito, on en vient au thème que tu as choisi d'aborder cette semaine. C'est un thème assez dense et chargé. C'est pas forcément lié à l'actu de cette semaine. C'est une conclusion que tu as tirée plutôt depuis le début de ce Vendée Globe. Ça concerne ces petits budgets qui jouent des coudes avec les plus gros, on l'a dit. Ça te plaît, ce côté un peu, je crois que tu as utilisé l'expression Vendée rétro. Oui, c'est un peu ça, C'est aussi la simplicité dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut se battre avec ses armes. Clairement... il y a eu une grande réflexion depuis quelques années sur ces bateaux-là. Donc les foils, des petits foils, des grands foils. Il y a 4 ans, on ne savait pas si les foils allaient vraiment fonctionner comme on l'espérait. Il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient des doutes sur cette question-là. Finalement, on voit que les bateaux neufs de 2015-2016... aujourd'hui, ils sont aux avant-postes. Hein. On vient de parler de Louis et on peut parler évidemment du bateau de Yannick. Donc ces bateaux, ben, on sait qu'ils marchaient bien, mais ils n'ont pas fait beaucoup mieux qu'il y a 4 ans. En tout cas, ils sont en retard, lié à la météo évidemment, par rapport à il y a 4 ans. Donc les autres bateaux, il y a plusieurs solutions, c'est soit de rajouter des foils, mais ils n'ont pas du tout été prévus pour ça, et c'est l'erreur que sans doute ont fait certains bateaux. Je pense à Cali, je pense à Alain Roura, qui a le même bateau que Damien Seguin, par exemple. Voilà, et c'est vrai que c'est une complexité, ça coûte cher, et donc ça prend une place dans le budget qui est terrible, rajouter des foils sur un bateau. Et finalement, ça a deux conséquences, c'est que ça complexifie le bateau, et surtout, ça le ralentit dans beaucoup de conditions, c'est-à-dire que les foils, pour que ça marche, il faut pousser fort sur le bateau. Donc il faut déjà avoir la motivation de pousser fort. Et quand tu pousses fort, bah tu abîmes plus le matériel et tu as plus de risques d'avoir des ennuis, de gréement, d'accastillage, de structure, quel qu'il soit. Et donc pour aller loin, mais il vaut mieux simplifier le bateau à l'extrême. C'est ce qu'a fait Jean Le Cam, Jean Le Cam, c'est vraiment la démonstration de ce qu'on peut faire avec d'abord un petit budget et avec en essayant de simplifier, d'alléger au maximum le bateau. Et moi, je ne suis pas étonné d'abord des performances qu'il a fait il y a 4 ans avec ce bateau-là, et puis du festival qu'il nous fait sur ce Vendée Globe, tout simplement parce que il a poussé la logique au bout. Et c'est vrai qu'en solitaire, sur un tour du monde, qui plus est, d'avoir un bateau simple qu'on connaît bien, c'est sûrement la bonne solution. On a beaucoup parlé de Damien Seguin, on a parlé de Jean Le Cam. Le troisième dans la liste, c'est Benjamin Dutreux, 30 ans, premier Vendée Globe, deuxième saison en IMOCA, bateau de 2007 lui aussi, petit budget, sponsor trouvé à la fin de l'été. C'est complètement incroyable de le retrouver à cette position. Kevin, t'es impressionné aussi par Benjamin Dutreux ? Ouais. Bah, c'est comme Piper d'ailleurs, c'est les deux personnes dont j'avais jamais entendu parler avant. Je sais pas si c'était très très connu dans le milieu. Il a fait 4 saisons de Figaro avant d'arriver en IMOCA, Benjamin, mais en effet c'était pas 4 belles saisons de Figaro. 4 belles saisons, tout à fait. Okay. Bon bah ça j'avais pas suivi alors en tout cas. Donc ouais bah pareil, ouais, assez bluffant, et puis bah là il a pris un petit peu de retard ces derniers jours. Il est toujours collé à Jean, hein, Jean l'a rappelé, il lui a dit Pep, t'en vas pas trop loin, mais vraiment impressionnant. Chapeau, et puis en plus, pareil, il dégage de la sérénité, il est super, super enthousiaste, donc belle surprise. Ah ouais, moi j'ai beaucoup d'estime là, pour ce que fait Benjamin. Moi j'avais rencontré l'année dernière, il y a déjà un peu plus d'un an, sur la Transat Jacques Vabre, parce qu'il n'avait pas de budget, donc il a récupéré le bateau qui était le bateau du japonais de Kojiro. Alors qu'il n'avait pas un sou en poche, il a fait la Transat Jacques Vabre dans des conditions financières incroyables. Il fallait refaire le mât, et le mât a été refait à 3 semaines, je crois, de la Transat Jacques Vabre. C'était vraiment compliqué parce que les fournisseurs n'étaient pas à la hauteur, donc il a été obligé de s'y mettre lui-même, de mettre les mains à la colle pour finir son mât. Il est arrivé à Transat Jacques Vabre, il s'est fait trouer le bateau une vedette. Et là, il était au bord du gouffre, hein, c'est-à-dire au bord du trou. Il savait pas comment réparer, il avait pas de sous pour réparer, il avait pas la matière. Donc les teams qui étaient à côté, notamment Banque Populaire, ont un peu aidé pour lui trouver du carbone, ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que la préparation du Vendée Globe, c'était quelque chose de vraiment difficile. Et même en début d'été, il y a 6 mois, il était vraiment pas sûr, mais loin d'être sûr de pouvoir participer à ce Vendée Globe, et pour préparer un Vendée Globe dans ces conditions, il faut vraiment avoir des qualités incroyables pour aller droit au but, de faire ce qu'il faut dans le bon ordre, pour pas se planter. Et faire ce qu'il fait, être à ce classement aujourd'hui, après avoir fait plus du tiers du Vendée Globe, moi je dis vraiment chapeau. Il faut rappeler qu'au mois de mars, il a signé un contrat de sponsoring avec Oceania à l'époque, un groupe hôtelier qui s'est désengagé en raison du confinement et des perspectives économiques, évidemment. Benjamin l'a tout à fait compris, mais le désengagement, c'est arrivé au mois de juin, donc là, c'était un très gros coup dur. Début juillet, effectivement, comme le disait Kito, on se demandait un peu comment ça allait pouvoir se passer pour lui. Moi, je l'ai rencontré, on a fait un long podcast ensemble à la mi-juillet, je lui ai posé la question, il m'a dit non, mais de toute façon, il était très confiant, il m'a dit non, moi, je serai au départ. On va trouver un sponsor. Il était sûr de son coup, et effectivement le sponsor final Omia est arrivé à la toute fin de l'été, je crois que c'était à la fin août, et il a terminé avec une toute petite équipe là aussi de la préparation de son bateau. Il y en a un quatrième dont on va parler, c'est Maxime Sorel. J'ai une stat à vous donner sur Maxime Sorel sur VNB Mayenne. Assez étonnante, c'est le quatrième skipper le plus rapide sur l'ensemble du Grand Sud, c'est-à-dire entre Bonne-Espérance et le Cap Horn. Seuls 3 coureurs sont allés plus vite que lui. Armel Tripon et sa fusée, l'Occitane, dont on parle chaque semaine. Yannick Bestaven, le leader, et Damien Seguin. Mais Maxime Sorel, quatrième. Là aussi, Kito, sur ton ancien bateau, Groupe Bell, qui l'eût cru ? Oui, alors moi je suis pas très étonné parce qu'il a un super bateau. il a un super bateau, mais j'étais vraiment inquiet parce que ce bateau, beaucoup pensent qu'il était maudit. Il a fait trois Vendée Globe, deux avec moi, le troisième avec avec Thomas, et à chaque fois, ça a été un désastre. Franchement, ce bateau, on n'y croyait plus qu'il était capable de faire le tour du monde. Voilà. Et ce que fait Maxime avec ce joli bateau, j'espère que ça va aller au bout. Il n'y a pas de raison d'ailleurs parce qu'il est bien parti. Mais voilà, je souhaite vraiment de l'amener jusqu'au bout ce bateau pour qu'en plus, enfin, il fasse ce tour du monde en entier. Kevin, sur la stat de Maxime Sorel, quatrième avec VNB Mayenne sur tout le segment du Grand Sud, c'est à première vue, quand on voit qu'il est devant Charlie Dalin, Thomas Ruyant et compagnie, c'est un peu surprenant forcément dans le Grand Sud. Bah ouais, non, carrément, je savais pas du tout. J'avoue que j'ai pas suivi toute cette stat que toi tu arrives à nous sortir toutes les semaines. Visiblement, mauvaise année pour les foilers dans le Sud, ça a été compliqué, et encore plus ceux qui avaient des... Enfin, les dernières générations ont visiblement encore plus souffert. Mais balèze, bah, Maxime Sorel, ouais, pareil, super surprise. Ça fait plaisir. En plus, c'est un Malouin, comme une partie de ma famille. Donc, go Maxime. Personne n'est parfait. Mais... Messieurs, on y vient. C'est bientôt la fin de ce podcast, donc c'est forcément l'heure du petit jeu de prédiction. Vous allez maintenant devoir nous dire... ce qui va se passer dans la semaine qui vient. Kito va pouvoir faire parler son expérience, Kevin va pouvoir faire parler ses stats, ses routages. Avant de vous cuisiner tous les deux, on va réchauffer les pronos de la semaine dernière. C'était avec Yann Eliès et Aurélien Huard. Je vois, non, Yann est toujours devant, j'ai du mal à lui trouver un défaut en ce moment. Derrière, mon pote Charlie, il va avoir du mal à le rattraper. Pour la tête, évidemment, oui, je vais aussi dire Yannick Bestaven devant Charlie Dalin dans une semaine toujours. Non, c'est plus derrière que ce situe match où je pense qu'il faudrait prendre. Moi je vois Damien Seguin doubler Thomas. Et on va dire quand même que Thomas Ruyant va tenir sa troisième place. Et puis j'aimerais bien voir notre Benjamin Dutreux les rejoindre, ce trio là, pour la bataille pour le podium. Pour la cinquième place, même si j'aimerais bien aussi que Benjamin soit encore dans ce top 5. Allez, pour avoir un pronostic différent, on va peut-être dire un Jean Le Cam qui va revenir cinquième. Ensuite, derrière, moi je mise tout sur Pipe, hein, je la vois... passer devant Charal le Cap Horn. Là, c'est une grosse cote. On va revenir sur Armel Tripon. Hein. On a parlé de sa remontée. On va dire qu'au Cap Horn, il sera à moins de 300 000 du top 10. On va dire ça. Alors, Yannick Bestaven toujours devant Charlie Dalin, évidemment c'est ok pour les deux. En troisième position, c'est Thomas Ruyant et non Damien Seguin, donc point pour Aurélien. Et ça va être le point décisif d'ailleurs, parce que le cinquième c'est ni Dutreux ni Le Cam, parce que Armel Tripon a passé le Cap Horn avec plutôt 350 000 de retard sur le top 10, dommage pour Aurélien, c'était pas loin. Et alors Piper et Jérémy Bayou n'ont pas encore passé le Cap Horn, donc on peut pas trop délibérer sur ça, mais Charal a bien rattrapé Medalia, parce que Pipe a eu pas mal de pépins, forcément cette semaine elle a notamment dû changer en plein sud, un de ses Safran, elle a réussi, elle est repartie, mais ça risque peut-être d'anéantir le prono de Yann, malheureusement. On va dire courte victoire pour Aurélien cette semaine. Maintenant, ça va être à votre tour. Kito m'a dit en préparant le podcast, c'est quand même pas simple de prédire les choses dans cette édition. Vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde pareil toutes les semaines. Allez, on va commencer par Kevin. Qu'est-ce que tu vois pour les prochains jours? Moi, je crois en la bonne... Enfin, j'espère, je croise les doigts pour que Yannick reste devant. En fait, le trio, je le vois bien continuer comme ça. Et Louis qui va... Louis Burton qui devrait recoller aussi. Et j'espère éventuellement faire un petit podium. Allez, d'ici une semaine, il sera sur le podium. Ah, ça, c'est un gros changement. Donc, qui est-ce que tu sors du podium, là, du coup? Charlie Dalin, Thomas Ruyant ou Yannick Bestaven? Ouais, Amstram Graham. Charlie. Donc, on aurait un podium, si je récapitule, Bestaven, Ruyant, Burton. C'est ça. C'est ça l'idée. Oui, doit Kito... mouiller. Kito, qu'est-ce que tu en penses là de ce qui va se passer à l'avant? Je pense qu'effectivement, il va y avoir un petit regroupement un peu général. Même si je pense que quand même, ceux qui sont derrière, ils vont avoir du mal à passer la zone de transition qui sera un peu plus importante. Donc, je pense qu'il va y avoir un regroupement à peu près sûr entre les trois premiers. Mais Yannick devrait rester devant avec quelques dizaines de milles d'avance. Moi, je parie sur une cinquantaine de milles à l'équateur, à l'équateur, je pense qu'ils vont le passer dans une semaine. Le 16, ils seront à l'équateur. C'est à peu près ça sur les routages. Et je pense que dans 3 jours, mercredi, il va y avoir un petit regroupement en tête de flotte. Mais par contre, après, les deux foilers vont un peu souffrir parce qu'ils vont faire quasiment 4000 milles en tribord à mur sur leur mauvais foil. Et donc Yannick, qu'il soit devant ou derrière d'ailleurs mercredi, il va de toute façon être devant, à moins qu'il casse un truc, parce que personne n'est à l'abri évidemment. Donc ça devrait se passer comme ça, et je pense effectivement que derrière ça va un peu se regrouper, et que Louis va s'emparer de la quatrième place sans trop de difficultés. Voilà. Alors là, on a tout le film de la semaine. On a regroupement mercredi, on a passage de l'équateur samedi avec 50 000 d'avance pour Yannick Besteven sur les deux poursuivants et Louis Burton quatrième. C'est bien ça, Kito, j'ai bien résumé ce qui va se passer. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre, une position, un coureur à suivre, même plus à l'arrière de la flotte? Il y a encore des pronostics à faire éventuellement sur les passages du Cap Horn là, à venir. Est-ce que vous avez repéré d'autres choses? Je pense que là, le prochain groupe, là, c'est le groupe d'Alan, Cali, Pipe et Jérémy. Et je pense que Jérémy, il va passer le Horn en même temps, voire devant. Et je pense que Jérémy, il attend vraiment l'Atlantique pour mettre les watts. Quoi. Donc tu dirais que Jérémy passe devant Pipe, Arnaud et Alan au Horn? Ouais, je pense au Horn, ou en tout cas, si c'est pas au Horn, ce sera juste après. Et là, je pense qu'il mettra les watts parce qu'il a envie de rentrer le plus possible. Quoi. Et d'ailleurs, on verra les stats de Jérémy dans le sud, parce qu'il sera pas si mal. Quoi. C'est vrai, on attend pour valider le classement dont on parlait tout à l'heure, il faudra aussi avoir le temps de passage de Jérémy Bayou au Cap Horn. Kevin, quelque chose d'autre sur la deuxième moitié de la flotte? J'étais aussi sur ce groupe-là et je suis assez d'accord. Enfin, je pense aussi que effectivement Jérémy devrait les manger. Et puis, j'espère que Pipe, maintenant qu'elle a réparé, elle va réussir à rattraper Alan et Arnaud Boissière. Mais bon, j'imagine que ça va être un peu compliqué. Mais bon, vu ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, c'est, vraiment, il y a une vraie option. Bon, en tout cas, j'espère. Bon, en tout cas, messieurs, tous vos pronostics sont dans la boîte. Rendez-vous la semaine prochaine pour vérifier tout ça avec les invités de l'épisode 10 du Club VG20. Déjà plus de 2 mois qu'on se retrouve chaque dimanche pour débriefer ensemble avec les membres du club cette course passionnante. Merci à tous les deux d'avoir apporté vos regards. Kito, Kevin. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés, d'être fidèles à Cap VG20, le podcast et le compte Twitter. Tout ça continue évidemment jusqu'au bout. On se dirigera vers les sables aux alentours du 29 janvier, a priori, pour suivre toutes ces arrivées qui s'annoncent forcément spéciales, elles aussi, en raison du contexte sanitaire, évidemment. A noter que sur la régate virtuelle, malgré les difficultés de Virtual Regatta cette semaine, les arrivées des premiers bateaux devraient avoir lieu d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc en virtuel, au moins, on devrait battre le record de la course. Et puis un petit mot aussi du trophée Jules Verne, parce que ça y est, c'est reparti. L'équipage de Franck Camas et de Charles Caudrelier sur Gitana s'est remis en quête du record, un tour du monde en moins de 40 jours. C'est l'objectif, on suivra ça d'un œil évidemment en parallèle de la dernière ligne droite du Vendée Globe. Nous on se retrouve très vite sur Twitter ou dans une semaine en podcast. À dimanche prochain.